Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... C'est parti, ici à Namur, en plein centre, sur la Meuse. Rencontre, moi comment j'ai rencontré, d'abord c'est pas un monsieur, c'est une péniche que j'ai rencontrée en me baladant à vélo. Et cette péniche, elle m'a attirée parce qu'elle disait la valse lente, voilà, tout un projet. Et j'ai ici en face le monsieur qui a, je crois, il me semble, créé ce projet, à moins que je me trompe. Allez, présentation. Oui, non, vous avez raison. J'ai imaginé, créé et réalisé ce projet, qui est en fait un projet que j'avais en tête depuis mon enfance, mais que je ne pensais jamais réaliser, parce que la vie m'a fait que j'ai pris des chemins qui ne menaient pas à ce projet. Et donc, voilà, mais un jour... Donc, j'étais bien sédentaire, alors que dans mes projets, donc dans mes rêves d'enfant, hein, on va dire ça comme ça, dans mes rêves d'enfant, j'idéalisais les gens du voyage. Donc, pour moi, les gens du voyage, c'était la liberté. Ils avaient toujours la surprise du lendemain, que ce soit le décor, que ce soit l'atmosphère, la température, ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Donc, je trouvais ça, aller de surprise en surprise, avoir une vie agréable. Maintenant, avec le recul, bien sûr, on peut se rendre compte de toute la difficulté que ça peut représenter et qu'ils n'ont pas toujours facile. Mais voilà, quand on est gosse, on a cette chance, c'est de voir le beau côté. Et donc, moi, je pense que j'aurais pu être forain si j'avais pu faire le choix. J'aurais pu être batelier aussi, mais je ne suis absolument pas issu ni d'une famille de forains ni de bateliers. Je suis issu d'une petite ville, parce que c'est quand même une ville, ou Falise, dans les Ardennes, belges. Et à part l'ourde qui passe et quelques kayaks, je n'avais donc pas l'habitude de voir des bateaux du gabarit de mon bateau. Et donc... je pense avoir été influencé par une série, je pense, qui s'appelait L'homme du Picardie. Moi, je pense que c'est ça qui m'a certainement orienté vers les voies navigables. Même si, plus tard, j'ai regardé la série de nouveau, il n'y a pas très très longtemps, mes enfants me l'ont offerte. Et je me suis dit, mais c'était très très glauque comme histoire, c'était triste. Mais bon, moi, je zappais cette partie-là. Et je n'ai gardé, quand j'étais petit, que cet aspect de voyage, c'était le voyage. Et aussi, la sérénité du voyage en bateau, de ce calme, ce n'était pas, il n'y avait pas de vitesse, mais il y avait une lenteur, ça permettait de découvrir certaines choses qu'on ne peut pas voir en voiture ou en moto, même à vélo. Et donc, voilà, donc ça c'est l'origine. Je pense que, alors après quelques années, donc je me suis marié, je suis instituteur ici à Namur, je le suis toujours, et j'ai 4 enfants qui sont grands, et donc à un moment donné, donc j'ai acheté une maison pas loin de Namur, dans la campagne, j'étais donc un campagnard, et fort isolé. Avec des animaux, des chevaux, chèvres, ânes, enfin tout le mouton, tout ça, au grand bonheur de mes enfants. donc été élevé là-dedans. Et, mais un jour, notre couple vivait par habitude et nous avons choisi de prendre un chemin différent et nous sommes séparés, les enfants étant déjà pas mal grands et autonomes. Nous avons choisi donc cette nouvelle aventure, je veux dire. Et à ce moment-là, parce que malgré tout, ça reste, même si c'est un choix, c'est pas toujours vraiment un choix réfléchi. Enfin, il est réfléchi, mais je veux dire, il y a toujours bien quelqu'un qui a choisi plus que l'autre, hein, dans un couple qui se sépare. Et donc, moi, je pense l'avoir un peu plus subi. Et donc, le fait de le subir me rendait sans doute un peu moins optimiste. Et donc, dans ces cas-là, on réfléchit, on pense, enfin, ou on boit du noir. Mais dans mon cas, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me donne du plaisir de vivre, et voilà, un objectif. Et j'ai repensé à ça. Et puis je me suis dit, tiens, est-ce encore d'actualité ? Attendez, parce que là, on perd le fil quand vous dites, j'ai repensé à ça, au bateau, oui, à votre rêve d'enfant. Voilà. J'ai repensé à ce que je souhaitais faire, à mon rêve d'enfant. Et je me suis alors demandé si c'était encore bien ce que je voulais au départ, si ça pouvait encore tenir la route. Et donc, je me suis intéressé, j'ai beaucoup lu, j'ai fréquenté les bords de l'eau, bien sûr. Et j'ai rencontré des bateliers qui étaient des professionnels et d'autres qui étaient des habitants. Donc, qui ne naviguaient plus, mais qui vivaient sur leur bateau. Voilà, donc, alors, en force de rencontrer ces gens-là, on reprend contact avec le fleuve, et puis, petit à petit, on est pris dedans. On est pris dedans, on ne s'en rend pas trop compte, on est dedans. Et alors, on commence à rêver de nouveau, et alors, je me suis dit, si je veux une fois monter sur un bateau, il faut que je puisse le conduire, le piloter plutôt. Et j'ai donc commencé par suivre le brevet de navigation, les cours de navigation. J'ai passé mon brevet. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, maintenant, il ne reste plus qu'à en acheter un. Enfin, et là, ce n'est pas évident, parce qu'il y a quand même pas mal d'offres. Il y a quand même pas mal d'offres, pas toujours dans les environs, mais on se déplace. Mais voilà, c'est très à tous les prix, mais dans tous les états aussi. Donc il faut être très vigilant. Déjà, moi, je ne suis pas spécialiste ni en mécanique, ni en carrosserie pour une voiture, donc encore moins pour un bateau. Je ne suis pas du métier. Donc, alors j'ai eu la chance, au cours de navigation, de rencontrer deux personnes qui fréquentaient le cours en même temps que moi et qui étaient, eux, des spécialistes, puisqu'ils travaillaient au chantier naval ici, à Namur Abbé. Et donc, il y avait un ingénieur, je crois, et l'autre, un ouvrier, soudeur. Et eux deux m'ont accompagné dans mes choix et dans mes achats. Ils m'ont fait prendre conscience qu'il fallait être attentif à tel ou tel aspect. Et voilà, un jour, après un an pratiquement de recherche, j'avais trois bateaux à aller voir à Strasbourg. Et les deux personnes en question étaient justement sur Strasbourg, sur un chantier. Donc ça tombait bien. Et la veille, donc à 11h du soir, avant d'aller dormir, je me levais très tôt le matin pour pouvoir être à l'heure là-bas. Je vois sur Internet une nouvelle annonce que je n'avais pas vue. De ce bateau, celui que j'ai acheté donc. Et il correspondait au prix, au gabarit, enfin à tout point de vue, il était dans l'état tel que je souhaitais trouver un bateau. Et donc j'ai annulé mes rendez-vous là-bas et j'ai été voir ce bateau et j'ai tout de suite vu que c'était celui-là. Et l'affaire fut conclue rapidement, en une semaine. Maintenant, dans mon cas, c'est pas toujours le cas, mais pour un bateau, ça devrait l'être chaque fois, mais c'est souvent le cas quand même. Mais ça devrait l'être pour les voitures aussi. Ici, j'ai convenu du prix avec le... Enfin, il avait proposé un prix, on a un peu débattu. Et puis, après, où nous avons sorti le bateau de l'eau, chantier naval. Il a été sondé et inspecté par un inspecteur indépendant, et alors qui a rendu son avis directement, et ça a été chiffré, les réparations ont été chiffrées dans l'après-midi même. Donc une fois qu'on a eu le prix des réparations à faire, on a pu déduire du prix demandé par le vendeur. Ce qui est intéressant, je trouve, parce que bon, voilà, on part avec un bateau en bon état et qui respecte les conditions de navigation, voilà, au niveau sécurité et tout. Et une fois que on a conclu l'affaire, on a remis le bateau à l'eau. On a fait les travaux de la coque, bien sûr. Et puis je l'ai amené ici à Namur. Et là, pendant un an, je l'ai laissé un petit peu à quai. Je lui rends des visites tous les trois fois semaine. Hein. Donc je venais rêver dans mon bateau. C'est le plus beau moment, je veux dire, dans la phase de tout ce qui est aménagement, préparation des travaux, etc. C'est le plus beau moment parce qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et alors, et puis après un an, ben, je suis retombé un peu sur terre et après avoir pu chiffrer tous les travaux de transformation que je voulais, j'ai dû adapter en fonction de mes possibilités financières. Donc là, on déchante un petit peu, je vais dire, mais bon, pas trop quand même. J'ai donc fait faire un devis au chantier naval, et là, j'étais assommé. Donc je me suis dit, ce ne sera pas possible de le faire faire, il faut que je le fasse moi-même. Ce fut heureux pour moi, parce que le fait de l'avoir fait moi-même lui donne encore plus d'importance, je vais dire. Et puis, je connais le moindre recoin, vu que je l'ai fait, je l'ai soudé, je l'ai transformé. Bon. Donc voilà, je sonnais à l'équipe, comme on dit, hein, à mes enfants, à mes beaux-frères, frères, amis. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis et des amis compétents dans pas mal de domaines. Non seulement compétents dans pas mal de domaines, mais outillés aussi. Valablement, parce que bon, on peut avoir les compétences, mais pas les outils, et qui pouvaient me consacrer du temps. Alors, la première année, avec mon ami soudeur, un grand copain soudeur, monteur-soudeur, nous avons travaillé essentiellement à nous deux. Donc, nous avons transformé tout ce qui était, on va dire la chaudronnerie, donc tout ce qui est soudure, quoi, tout ce qui est métallique, on l'a fait à deux, pratiquement. De temps en temps, mes enfants venaient pour découper des poutrelles, des choses comme ça, porter, parce qu'il y avait quand même des pièces assez lourdes et à manipuler. Voilà, donc il fallait être des fois 4 ou 5 ou 6. Et une fois que le bateau a été... Au préalable, on l'a lesté, mais ça, on l'a fait en une journée. On a mis 80 tonnes de lest, donc 5 pile blocs. Oui, une fois qu'il a été transformé, à ce moment-là... en soudure, on a pu alors l'habiller, je veux dire, l'intérieur, comme on ferait pour un appartement ou une maison. Ben oui, j'imagine qu'une fois que... Enfin, moi, ce que j'aimais bien là-dedans, ben voilà, on passe... il vous arrive quelque chose dans la vie, hein, comme votre histoire de couple, ça tombe. En fait, c'est marrant, parce qu'à force d'y penser, il y a pas mal de gens qui se séparent, et du coup, on pourrait se dire que... Ça a du positif, hein, quand même, au bout du bout. Bon, ça fait peut-être mal, c'est peut-être compliqué. Mais pour finir, il y a moyen d'aller chercher quelque chose, justement, d'aller revoir un peu ses rêves d'enfant et de les concrétiser. Voilà, moi j'en suis là avec votre histoire. Maintenant, ici, dans ce bateau, on pourrait essayer de décrire pour les gens, puisqu'ils ne voient pas, c'est quoi comme genre de bateau? Qu'est-ce qu'on y fait? Et ensuite... Est-ce que vous bougez beaucoup? C'est quoi vos... Parce qu'en fait, ok, le rêve, c'est d'avoir un bateau, mais pourquoi? Pour y faire quoi? Oui, donc, au départ, c'est un bateau de marchandises, hein, au départ de céréales, et tel que je l'ai transformé, oui. C'est une péniche, alors? Exactement, une péniche. Et alors, pour être plus précis, on pourrait dire une fraissinée. Fraissinée étant le nom... de la personne, je vais pas faire d'historique, hein, mais qui a réalisé toutes les transformations des canaux en France, et donc toutes les vesicules ont été au gabarit Fraissinet. Donc c'est un gabarit bien précis. Après, on a construit des bateaux de cette taille, de 40 mètres, qu'on a appelé les fraissinets. Donc le fraissinet, comme le mien, est maintenant transformé avec des chambres, 4 chambres avec salle de bain chacune, individuelle, et un grand living, grande salle de séjour, avec salon et salle à manger, une grande cuisine très lumineuse, et un grand pont de 100 mètres carrés au-dessus. À l'arrière du bateau, il y a encore toute une partie qui doit être transformée, dans laquelle j'ai vécu pendant que je faisais les transformations. Et là, il y a encore 2 petites chambres, une salle de bain, un petit living et une cuisine. Et tout au début, je n'avais pas de projet de chambre d'hôte et autres. Hein. Au début, je voulais vivre sur un bateau et pouvoir me déplacer au gré de mes fantaisies. Mais en même temps, je me disais, quand j'ai vu l'importance du volume qu'il peut y avoir à l'intérieur, je me suis dit, ben, c'est trop grand pour moi. C'est comme un appartement, il y a 100 mètres carrés hein, dans la cale. Donc je me suis dit, c'est trop grand pour moi. Donc je vais y faire autre chose que simplement une chambre, voilà, deux, trois chambres. Et je pensais en faire un studio d'enregistrement. Parce que mon fils aîné étant ingénieur du son, je m'étais dit, ben voilà, je vais lui faire un studio d'enregistrement, ça va être intéressant. Et puis, assez vite, l'idée est partie, parce que je me suis dit, d'abord, c'est mon idée, c'est pas la sienne, et j'ai pas envie de lui imposer mon idée et qu'il se sente obligé de rentrer dans un projet qui n'est pas le sien. Et je ne lui en ai même jamais parlé. Donc, et c'est très bien ainsi d'ailleurs, parce que voilà. Et puis alors, bon, je me suis dit, mais c'est rien, je vais faire des chambres. Et alors, comme j'étais, ma maman faisait des chambres, à ce moment-là, on disait des chambres pour touristes en Ardennes. On avait une très grande maison avec 10 de chambres, appartements, etc. Donc en été, on louait, même les nôtres, hein, de chambres étaient louées. Nous, on allait loger au grenier, les enfants, pas les parents, mais les enfants, on se réjouissait parce que c'était l'occasion de faire la fête dans le grenier. Et j'avais grand plaisir de voir défiler dans la maison des gens comme ça, pour une nuit ou deux nuits. Et certains même qui devenaient des fidèles, des personnes de l'étranger, des Anglais, des Hollandais, ça. Et ça, on a lié amitié, mes parents du moins, hein, avec ces personnes. Et ce qui nous a permis aussi à nous de visiter ces pays-là et d'être reçus dans ces familles-là. Donc voilà, il y a quand même des incidences. Et alors, donc je me souvenais de cette époque où j'allais porter les petits déjeuners dans les chambres, où je servais les petits déjeuners dans le living, et j'avais du plaisir, je me souviens que j'avais du plaisir, et je me suis dit, tiens, bon oui, je pourrais aussi, et ce serait bien, c'est un petit peu plus insolite, sur un bateau, je vais faire ça, je vais faire des chambres d'hôtes. Donc voilà, j'ai fait en fonction de ça. Puis petit à petit, une fois que j'étais dans les travaux, je me dis oui, mais je peux faire aussi hein, des événements. C'est vrai que si j'ai un pont aussi grand, je peux faire des réceptions, des apéros, des fêtes de famille, des choses comme ça. Et donc voilà, pour finir, c'est ce que je fais pour le moment. Donc principalement des croisières, bien sûr, parce que le bateau c'est fait pour naviguer, chambre d'hôtes, croisière, gîte à quai. Ça a beaucoup de succès aussi, donc le bateau est entièrement laissé aux locataires, mais il reste à quai. Mais je disparais, quoi. Je disparais de la circulation. Je ne suis pas loin, parce que s'il y avait un problème, je suis toujours prompt à réagir. Mais voilà. Et les événements, il y a beaucoup d'événements comme Namur en mai, ou le FIF, ou d'autres choses encore. Le paddle fin juin. Et donc là, c'est un bateau qui vit beaucoup. Et j'aime le faire vivre aussi, même en dehors de ça, parce que ça, c'est le côté business, hein, parce qu'il y a quand même un investissement au départ. J'ai quand même dû faire un emprunt à la banque important malgré tout, même si j'ai fait beaucoup sous fonds propres. Pardon. Excusez ma voix. Et donc, je suis tenu à faire tourner quand même mon bateau un petit peu. Mais j'aime bien aussi que ce soit un espace de rencontre, pas seulement où on vient payer une chambre et voir grâce à son vendeur machin ou son. Non, il y a possibilité aussi de venir boire un verre sans payer, c'est pas un bistrot, mais de partager des moments. Et donc j'ai régulièrement des gens, même des gens très très proches ici, hein, voisins, qui sont des sédentaires, qui sont dans des maisons, qui passent et qui viennent s'asseoir et boire une tasse de café, puis qui repartent. Mais voilà. Mais ce n'est pas uniquement cet aspect-là. Mais j'ai organisé la première année que j'étais sur mon bateau, le premier hiver, le premier Noël, j'ai fait un marché de Noël tout seul sur le bateau parce que j'avais été en voir un à Thouin. Et j'avais trouvé ça sympa. Et je m'étais dit, bah, tiens, je vais le faire. Quand j'aurai un bateau, je le ferai. Je l'ai fait. Puis l'année suivante, je l'ai fait avec un voisin. Puis l'année encore suivante, j'ai fait avec trois voisins, quatre voisins. Et maintenant, depuis, ben voilà, c'est devenu un petit peu... On n'y échappe plus. Le marché de Noël sur le bateau, voilà. J'ai des artisans qui viennent présenter, vendre. Et puis, on vient boire un bol de cacao, ou un vin chaud, on mange une saucisse. Il y a une ambiance de Noël. Mais on le fait aussi le 21 juillet. Avec un petit groupe de jazz, avec une fanfare une année, la chanson française, etc. Et on fait à prix coûtant pratiquement, donc ce n'est pas, ça n'a pas un objectif financier, c'est plus, voilà, on fait vivre le bateau autrement, on peut monter sur le bateau, et les gens qui rentrent sur mon bateau, ils apprécient de se rendre compte qu'il y a du volume. Parce qu'ils se demandent toujours, on passe à côté du bateau, on se dit oui, c'est un grand bateau, il y a de l'espace. Mais quand ils viennent dedans, ils se disent ah oui, quand même, quatre chambres, oui, c'est vrai, c'est pas si petit. Ah ben, on ne s'imaginait pas. Donc, ils sont satisfaits. Et moi, je les invite à monter sur les autres bateaux. Parce que je sais que certains autres, d'autres mariniers sont d'accord d'ouvrir leurs portes aussi. Parce que je dis, il faut aller voir les autres bateaux, parce qu'un bateau n'est pas... Ils sont tous différents, c'est ça qui est intéressant. Et donc, voilà. Alors, j'ai des projets de cinéma en plein air aussi, sur le bateau en été. Enfin, quand on voit le temps qu'il y a maintenant, on hésite un petit peu, mais j'ai des petits concerts intimistes, on fait beaucoup de repas, des sociétés, des entreprises qui viennent faire des repas ici aussi. Et j'ai aussi l'intention de faire dans un futur assez proche une rencontre de chants marins avec quelques groupes que je connais qui sont de qualité. Et bon, voilà, ça n'existe pas ici dans le coin. Je me dis, on est sur la Meuse, on peut faire des chants marins, même si on n'est pas en bord de mer. Hein. Voilà. Les idées ne manquent pas. Hein. J'ai des idées de partenariat avec d'autres chambres, d'autres, pour faire des circuits aussi. Des circuits pédestres, des circuits à vélo, circuits... Et moi, je serai la partie navigable, en navigation. Un peu, ça se fait un petit peu dans d'autres régions, oui. Finissez. Ah, et donc, où on peut accompagner les promeneurs. Ils n'ont pas la charge de leur valise, je veux dire. Ils ont une portion à faire dans la journée à pied, une autre à cheval, une autre... Et voilà, ils font ça 4-5 jours, on découvre la région ici. Mais quoi, avec tous ces projets, il y en a plein. Ça marche, ça roule, il y a une dynamique qui se crée. Et puis, je suppose que bon, c'est pas que l'aspect commercial non plus, business, c'est aussi, je me trompe, créer quelque chose. Mais est-ce que ça prend ? Ça prend. Voilà, c'est la troisième année. Donc pour moi, on m'avait dit qu'il faut 3 ans, mais je remarque que c'est vrai. Ça a pris assez vite au départ. J'ai été vite connu. Enfin, il y a une bonne campagne de presse. J'ai eu la chance d'avoir quand même Le Soir et d'autres journaux intéressants qui m'ont donné un espace dans leurs journaux. Et alors, donc ça, c'est l'aspect business. Et le reste, oui, parce que ici, je suis très bien situé. Hein. Il faut dire qu'on a la chance. Je crois qu'on a le plus bel emplacement de Wallonie, je pense, hein, sans se vanter, parce qu'on a un environnement magnifique avec des maisons splendides en face de nous. Et en même temps, on a le calme parce que le bruit de la circulation passe au-dessus du bateau. Donc les gens ne sont jamais incommodés par le bruit. Et on est à 5 minutes du centre-ville. En plus, on est sur le Ravel. Donc, lieu de passage privilégié pour les promeneurs, cyclistes, promeneurs, tourleurs, les familles qui se promènent. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ce sont des gens qui ont du, le, qui prennent le temps de sortir de chez eux pour se promener, pour prendre le temps. Donc, ils prennent le temps de parler avec moi aussi. Voilà, il y a un contact qui se fait. Et même si c'est des gens qui viennent de Wavre ou de Bruxelles, ils sont satisfaits de voir qu'on peut prendre le temps aussi. Il n'y a pas que dans le sud de la France qu'on peut prendre le temps. Maintenant, il y a l'aspect... donc, on a de la chance parce que la ville... je ne vais pas dire nous chouchoute parce que ce serait vite dit, parce qu'on attend l'électricité depuis 2 ans, on attend beaucoup de choses depuis un petit temps, mais la ville souhaite nous garder parce qu'elle a aussi des projets de tourisme fluvial, donc elle espère, elle a raison, parce qu'on a un beau fleuve, hein, une ville qui a un fleuve, c'est une richesse, donc il faut exploiter ça dans le bon sens du terme, hein. On n'est pas à Dinan non plus ici, hein. Dinan c'est une exploitation outrancière, je veux dire, hein. Là c'est la rentabilité, excusez-moi, je vais le couper, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Pas de souci, moi aussi je ne vais pas couper mon téléphone. Et donc nous avons cette chance que la ville nous suit et nous propose voilà, son aide, mais c'est un peu lent pour certains. Il y en a qui sont plus impatients. Moi, ça va encore, parce que peut-être que j'ai moins d'attentes. Je suis plus autonome dans ma production d'électricité, dans mon captage d'eau, tout ça. Moi, je suis autonome, donc je suis moins embêté, je veux dire. Mais je peux comprendre que pour certains, ça semble très long. Vous voulez dire pour les autres gars ou dames, enfin, c'est plus rare, qui ont des bateaux, c'est ça? Pourquoi? Parce que vous êtes autonome avec le solaire ou... Ah non, je suis autonome, j'aurais bien voulu, mais il aurait fallu consacrer une grande surface. J'y ai pensé, et puis en plus on n'avait pas d'aide, parce que je ne suis pas un bien immobilier, moi, donc je voyage. Donc je n'aurais pas pu profiter de l'aide qui était à ce moment-là proposée. Donc, j'ai un groupe électrogène qui tourne tous les 2 jours, 3 jours, pendant 5 heures, et qui me recharge toutes mes batteries, ce qui me suffit à être autonome pour le reste du temps. Donc, voilà, je produis, avec peu d'électricité, je peux tenir longtemps, parce que j'ai des LED partout, tout a été conçu en fonction d'utiliser le moins d'énergie possible. Et tout en étant bien éclairé, bien outillé, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une machine à laver, un séchoir, à la vaisselle, je veux dire, un four à air pulsé, j'ai les plaques, j'ai 2 congélateurs, j'ai 2 frigos. Donc, je suis très très bien équipé, mais tout a été bien pensé pour que ce ne soit pas trop énergivore. Donc pour ça, et alors pour l'eau, ben, je capte l'eau de la Meuse, que je filtre, il y a plusieurs filtres, hein. Et ça me permet de ne pas devoir courir, aller faire le plein de mes citernes. Alors j'ai 2 grandes citernes d'eau, plus une eau alimentaire, parce que j'avais goûté l'eau. Donc si je mettais un dernier filtre, un filtre supplémentaire, j'arrivais à potabiliser l'eau. On a fait l'essai, la démonstration, j'ai goûté. Ça n'était pas concluant pour moi. Je trouvais qu'elle n'avait pas un bon goût. Elle était potable, d'accord, mais elle n'avait pas bon goût. Donc j'ai opté plutôt pour ajouter une citerne en plus d'eau de 2500 litres, d'eau potable, que je remplis une fois toutes les lunes. Et voilà, donc là j'ai un robinet avec de l'eau potable, et partout, tout le reste c'est de l'eau sanitaire. Et voilà, donc je préviens mes clients, il y a des petites bouteilles d'eau dans les cabines, dans les chambres, salle de bain, j'allais dire salle à manger, salle de bain, et voilà, pour se rincer la bouche ou pour boire un coup. Et puis s'ils veulent, il y a un robinet à la cuisine, ils peuvent venir le faire. Voilà, donc je suis moins embêté que certains autres bateliers qui doivent avoir un accès à l'électricité, un accès, ou alors ils doivent faire tourner leur groupe 24 heures sur 24 pratiquement. C'est très embêtant, hein. Donc j'en conviens, pour eux c'est long, le temps semble long. Excuse-moi, mais j'ai toujours pas compris pourquoi eux devraient tourner, j'ai pas compris, 24 heures sur 24. Pour avoir de l'électricité, hein, avec leur groupe électrogène. Parce que pour le moment, il n'y a pas longtemps, on vient d'avoir des bornes électriques, mais qui ne sont pas fixes. On a fait la demande, comme on s'est fait passer pour forain, puisqu'on a constaté qu'il y a un forain, on a un ami forain français qui est venu s'installer ici. Et lui, il a eu tout de suite de l'électricité. Et on s'est dit, mais comment a-t-il fait? Donc on lui a demandé. Puis il a dit, mais voilà, il a donné. Alors on s'est dit, ben, nous aussi, on peut être forain. Donc voilà, donc on a eu l'électricité comme ça. Et, mais seulement, c'est un tarif quand même assez important. Il n'y a pas de compteur, mais c'est un forfait. Mais voilà, ça fait 2 ans qu'on attend. On aura en fait une borne électrique à chaque bateau, avec un compteur individuel. Et donc là, ce serait très intéressant. Là, à ce moment-là, moi, ça m'intéresse. Je ne fais plus tourner mon groupe du tout, sauf quand je pars en croisière. Et voilà, je suis relié au quai, c'est très bien. Ok, excusez-moi, je n'ai toujours pas compris, mais pourquoi un autre bateau devrait faire tourner son groupe électrogène 24 heures et toi, vous, pardon, que j'ai retenu 5 heures? Pourquoi en fait? Parce que vous ne consommez pas la même chose, ça peut... c'est ça? Non, mais lui ne sait pas stocker. Il n'a pas de batterie pour stocker. Donc il doit consommer son électricité. Et même s'il n'a qu'une télévision qui ne consomme rien, il doit faire tourner son groupe. Donc moi, par contre, je fais tourner mon groupe pendant 5 heures, mais tout va être stocké dans les batteries, et puis elle va être restituée, hein, donc c'est de 24 volts, puis il repasse par un Victron transformateur qui va me le renvoyer en 220, mais qui va me le renvoyer en fonction de mes demandes. Donc moi, ici, je consomme très peu, en fait, sur une journée, parce que je ne cuisine pas, je cuisine à midi, mais je ne fais pas tourner mes machines 24 heures sur 24. Mais si je devais, ne fût-ce que regarder la télévision le soir, je devrais faire tourner mon groupe. Voilà. J'ai compris, votre groupe électrogène n'a pas la même capacité, n'a pas la même fonction qu'un groupe électrogène classique, quoi. En gros, le vôtre permet de stocker, si je comprends bien. C'est pas le même électro, c'est tout simple. C'est le même groupe, mais il est équipé en plus d'un parc à batterie. Voilà, c'est ça qu'il y a. Il est différent, quoi. Oui, on va dire ça, allez, on va dire ça, oui. Donc, voilà, ça, c'est un investissement de départ, c'est un choix que j'ai fait. Mais bon, je ne regrette pas maintenant, hein. Comme pour l'eau, c'est très coûteux. C'est vrai qu'une lampe, rien que la lampe, parce qu'il y a plusieurs filtres, mais il y a le dernier filtre, c'est une lampe à UV, c'est 3000 euros. Mm. C'est vrai qu'on se dit, ben, ça, plus ça, plus ça, bon, ben, ça fait 5 000, 6 000 euros. On ira chercher l'eau là-bas. Puis après, on se dit, ça fait quand même, il faut bouger. Et c'est vrai qu'on les a récupérés, parce qu'une lampe comme ça, ça va pendant des années et des années. Hein. C'est comme les LED. Hein. Au départ, c'est coûteux, mais il y a une durée de vie intéressante aussi. Waouh! Mais oui, ça me fait penser à l'autonomie, quoi, aussi. Hein. Être autonome, c'est intéressant comme idée. Tiens, maintenant, à propos d'un truc très concret, très pratique, j'ai envie de passer du temps dans votre bateau parce que vous faites table d'hôte. Ça se passe comment? Je ne fais pas vraiment table d'hôte. Hein. Je peux faire des repas, etc. Ce n'est pas ma vocation première. Je le fais quand on a des croisières, etc. Par contre, je peux faire venir, ou vous pouvez faire venir, imaginons que vous souhaitiez... fêter une fête de femme, faire une fête de famille en petit comité, ça peut aller de 12 à, ou de, enfin, ou à 2, si vous voulez venir à 2. J'ai déjà eu des personnes, j'ai déjà eu un écrivain qui est venu seul louer mon bateau, pour lui tout seul, pour écrire. Donc, alors ça va jusqu'à 80, 100 personnes. Voilà, la semaine dernière, nous avions 80, dimanche dernier, nous avions 80 personnes sur le bateau, pour une réception, mais c'était un traiteur, donc moi je suis indépendant, moi je loue mon bateau, tout ce qui est mobilier, vaisselle, tout ça, j'ai, donc on a ici sur le bateau de quoi faire une réception pour 40 personnes. Alors, au-delà, ben, il faut venir avec du matériel supplémentaire. Je viens d'acheter une tonnelle justement pour dimanche, parce que le temps était incertain, une tonnelle solide, parce que bon, les tonnelles qu'on achète dès l'entrée de l'été, c'est généralement quelque chose qui est du consommable, qui ne tient qu'un été. Et moi, bon, sur le bateau, il y a du vent quand même tout le temps, et je dois pouvoir avoir du bon matériel. Je ne sais pas si je réponds à la question, je ne sais plus... Et donc, en fait, moi, je me disais, table d'hôtes, par exemple, j'imagine, parce qu'il y a des chambres. Oui. J'imagine, un couple a envie de passer un petit week-end à la campagne, vous les accueillez pas, ça se passe pas comme ça. En fait, je comprends bien, c'est pas mal réception, quoi, en fait, c'est ça. Non, pas, je vais dire c'est un tiers. Hein. Un tiers réception, un tiers chambre d'hôte et gîte et un tiers croisière. En hiver, c'est plus... Enfin, en hiver, non, en été aussi. Hein. Il n'y a pas de statistiques, je n'en ai pas encore fait. Je pourrais en faire, d'ailleurs, mais ce serait intéressant, peut-être. Voilà, j'ai reçu des Nantais qui venaient pour passer une nuit à bord. Ils avaient téléphoné il y a quelques jours. Il y avait de la place. Généralement, je ne fais pas la semaine. Hein. Ça, je le fais occasionnellement. Et si les personnes sont d'accord de se prendre en charge le matin et que je ne sois pas là le matin pour leur servir le petit déjeuner, alors ils sont bienvenus. À ce moment-là, je dresse la table, tout est prêt dans les frigos, il n'y a plus qu'à sortir, tout est sous film, les confitures et tout, les confitures maison, les fromages et tout ce que j'ai préparé, et le café est fait et tout, donc ils mettent à table, ils sortent juste ce qui est frais, qui ne doit pas rester dehors. Quoi. Mais bon, c'est moins agréable, puisque moi, le déjeuner, c'est aussi un moment pour faire la causette. C'est un moment idéal aussi, du moins après le déjeuner, je le laisse quand même tranquille pendant le déjeuner. Mais pour leur montrer s'ils sont demandeurs, j'ai des CD avec toutes les photos de toute la transformation du bateau, depuis le début où je l'ai acheté jusqu'à la fin. Donc on voit un peu l'évolution, comment ça s'est fait. J'ai aussi quelques vidéos de télévision, que ce soit la télévision belge ou des télévisions communautaires, où j'ai aussi un travail d'un étudiant en communication. Donc voilà, je montre s'ils sont demandeurs, si je vois, s'ils posent des questions, etc., je leur propose, je leur dis voilà, il ne faut pas non plus dire oui pour me faire plaisir, parce que moi c'est avec plaisir que je les montre, mais je n'ai pas envie non plus de raser les gens. Mais souvent, les gens qui viennent sur un bateau sont toujours, enfin, sont souvent très très curieux. Donc ils posent plein de questions, ils aiment savoir comment ça s'est fait, sur quoi ils vivent, là, enfin, dans quoi ils vont passer la nuit. Et alors, pas inquiets, hein, mais voilà, curieux, je pense. Ouais, donc j'ai bien compris, si jamais il y a un petit couple ou bien quatre amis, s'ils veulent louer le week-end, pas en semaine, eh bien ils peuvent téléphoner. Et c'est combien la nuit? Comment ça se passe en fait, niveau argent? Alors, au niveau argent, là aussi, j'ai voulu ne pas, c'est volontairement, j'ai pas voulu avoir du luxe, j'ai voulu avoir du confort, donc ce qui permet à plus de monde de pouvoir profiter, donc je ne dois pas mettre un tarif exorbitant. Je me suis basé un peu sur ce qu'il existait en chambre d'hôte dans la région, et moi-même, pratiquant le tourisme dans les chambres d'hôte, c'était plus ou moins ce qui me semblait raisonnable pour avoir le confort que je proposais. Donc là, je demande 70 euros par chambre, donc pour deux personnes. Donc chaque chambre est équipée d'une salle de bain individuelle, toilette, etc. Il y a un jacuzzi sur le pont du bateau, ça c'est le petit côté agréable, fun, etc. Et alors il y a un petit déjeuner qui est servi. Donc tout ça pour 70 euros. La deuxième nuit, c'est 60 euros. Les nuits suivantes aussi, c'est 60 euros. Donc, si les gens souhaitent passer quelques nuits, ben voilà. C'est quand même un concept un peu avec un jacuzzi au-dessus. C'est quand même, vous avez visé quand même une clientèle. C'est pas, comment dire. C'est pas le haut de gamme. Hein. C'est pas le haut de gamme. C'est le confort un peu fun. J'ai beaucoup de jeunes qui aiment hein, ça. C'est les jeunes hein, qui viennent pour ça. C'est ceux qui me demandent au téléphone, est-ce que le jacuzzi fonctionne ? Bien sûr, il fonctionne toute l'année. Hein. Il y a juste le jour où, trois fois ou quatre fois par an, je le vide et je le remplis. Il faut quand même laisser une journée avant qu'il ne réchauffe convenablement, parce qu'il est à 38-39 degrés. Donc, ce jour-là, ben voilà, s'ils sont téméraires, ils peuvent aller dans l'eau un peu plus fraîche. Quoi. Mais voilà, au téléphone... Quand on me demande est-ce que le jacuzzi fonctionne, c'est pas des quinquagénaires, hein, ce sont des trentenaires souvent, et ça a beaucoup de succès. Et je voulais m'offrir ça, et je me suis offert trois choses, enfin non, deux pour finir. La troisième arrivera plus tard. Vu que j'ai transformé moi-même le bateau, j'ai fait quand même pas mal d'économies en faisant le travail moi-même pendant deux ans, et je me suis offert le jacuzzi qui est une très grosse pièce, assez coûteuse, parce qu'il y a tous les prix aussi. Un jacuzzi, vous en avez à 3 000 ou 4 000 euros, mais qui ne valent rien du tout et qui, voilà, c'est jeter son argent. Ici, j'ai quelque chose de très costaud et garanti à vie, donc c'est la Rolls des jacuzzi, mais il faut ça. Et je me suis offert aussi mon plancher, ici, que vous avez là. Ça, c'est une reconstitution, c'est un vieux plancher qui a été enlevé dans un vieux... une vieille demeure en Normandie, qui a été retravaillée ici en Belgique dans une entreprise, rebaignée pour les produits, pour les verres, etc. On a refait les chanfreins, on a fait tout. C'est un plancher en chêne, 18 mm. Et, ben, ça a un prix, mais j'aimais ce plancher, je le voulais. Donc voilà. Et alors la troisième petite folie, mais que je n'ai pas encore réalisée, parce que j'ai d'autres priorités, c'est mon poêle à bois qui viendra là. Enfin, quand je... Ça va aller. Monsieur est occupé à s'étouffer. Prenez. Sûr. C'est gentil. Mais c'est chouette et tout. Votre projet est vraiment chouette. Hein. Ne le prenez pas mal. Hein, parce que c'est aussi un peu le... C'est... Ok, tout ça, c'est chouette. C'est du rêve, mais c'est aussi de la matière. C'est aussi de l'argent. C'est des biens... matériel, quoi, pour finir. J'aurais envie de vous poser la question, mais tiens, qu'est-ce que vous pensez un peu du monde, de l'état dans lequel on est, de la politique peut-être à Namur, la politique en général? Comment est-ce que vous voyez tout ça? Parce qu'un plancher, bah oui, il est super beau, votre plancher. Hein. Et le bateau aussi, il est nickel, enfin voilà, c'est chouette. Mais... Ben, disons qu'au niveau politique, bon, moi j'ai des couleurs bien affirmées, mais je suis assez écologiste, hein, au départ. Je l'ai toujours été d'ailleurs. Je ne fais pas de la politique, je n'en fais pas. J'ai des tendances et des sensibilités. Je crois qu'il y a des gens qui de valeur dans toutes les couleurs, donc je n'ai pas. Mais par contre, je suis d'office attiré par un discours social, etc. J'ai cette sensibilité-là. Maintenant, je me retrouve dans la peau, dans la situation d'un indépendant. Je n'ai pas l'esprit indépendant. Mes parents l'avaient, moi je ne l'ai pas. Mon frère est né là parce qu'il l'est. Et moi, je crois que je ne gagnerai jamais ma vie avec mon bateau. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est me pouvoir respecter mes engagements vis-à-vis de ma banque, voilà, de à qui j'aurais pu emprunter de l'argent, bien sûr. Enfin, à part la banque, il n'y en a pas d'autre. Mais voilà, j'ai des engagements et je veux les tenir. Mais je pourrais développer mon entreprise, autrement ou plus intensivement, il y a des demandes, hein, pour la semaine, il y a des demandes. Donc j'ai des idées d'aménagement. Ma compagne pourrait très bien prendre un mi-temps parce que, voilà, elle est veuve et elle pourrait profiter de son mi-temps de veuve, mais elle ne l'a jamais fait. Mais on y a pensé, puis on s'est dit, mais est-ce qu'on est dans cette dynamique-là? Est-ce qu'on est obligé de... Au départ, c'était un plaisir, donc ça ne doit pas être une entreprise. Moi, je dois être correct avec mes engagements, vis-à-vis de mes engagements que j'ai pris. Le reste, voilà, ça me fait plaisir de pouvoir offrir aussi mon bateau pour une soirée des gens qui n'ont pas spécialement les moyens. C'est comme pouvoir s'installer dans une chambre, installer quelqu'un dans une chambre, quelqu'un qui souhaiterait vraiment, excusez-moi, mais qui n'a pas les moyens. Je pense que je ne pratique pas un tarif exagéré, je pense. D'ailleurs, je vois bien que la clientèle que j'ai n'est pas une clientèle huppée. Et voilà, je ne sais pas, au niveau politique, franchement. Non mais quand je dis ça, au niveau politique, moi c'est pas... C'est pas spécialement la politique des partis et compagnie. Quand je dis la politique, c'est une question, ben voilà, on est soit individuel, oui, et puis on est soit avec les autres. Vous voyez ? Pour moi, la politique, c'est le vivre ensemble. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans un monde où on sait que quand on s'intéresse un peu au monde comme il est aujourd'hui, on peut être qu'avoir les boules, quoi, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on s'intéresse un peu aux choses qui se passent dans le monde, quoi. Moi, disons que je suis d'un tempérament très optimiste habituellement. Je me rends compte qu'en vieillissant, on prend de l'âge tous les ans, hein, donc on est peut-être plus aussi fonceur, ça forcément. Je vous dis, moi je suis attentif à l'investissement que j'ai fait quand même, donc mes enfants ou pas, par exemple, ils vont prendre les manœuvres du bateau, sans problème, et moi avec beaucoup de réticence, parce que je pense, attention, pas abîmer ça. Donc ça c'est l'âge, donc on est moins fougueux, peut-être plus sage, je ne sais pas comment il faut le dire, mais disons que moi, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est relations humaines, j'ai toujours fait partie de groupements associatifs ou autres. J'ai toujours aimé être parmi les gens. Je suis pourtant quelqu'un qui aime bien ma solitude. Je l'ai apprécié après mon divorce. J'ai vu cet aspect positif de mon divorce. Je me suis dit, tiens, ça me fait du bien de temps en temps aussi, ce petit moment de solitude où je peux ne rien faire sans me justifier, où je peux simplement prendre un bouquin ou regarder passer les bateaux, quoi. Mais en même temps, j'aime bien être dans l'action, j'aime bien être dans la construction de projets, échanger des idées avec des voisins, aller donner un coup de main et aller à la rencontre de nouvelles personnes. Dans mon projet, ça comble beaucoup cet aspect-là. Donc, ici, les mariniers, c'est un monde un peu à part, hein. Moi, je ne connais pas encore bien le monde des mariniers. Et je crois que je ne connaîtrai jamais vraiment le monde des mariniers parce que je ne le suis pas et je n'ai pas la prétention de vouloir devenir. Là, on est secoué. Hein. Ça, c'est exceptionnel. C'est parce qu'il vient de passer une allure. Il pourrait être verbalisé, d'ailleurs. Si on voit passer une vedette, on verra. On bouge un peu, mais pas trop. Hein. On le voit ici. Donc, je ne sais plus ce que je disais là-dessus. Je ne serai jamais marinier. Et je n'ai pas spécialement envie d'être absolument marinier. Je vis sur un bateau, donc c'est déjà bien. Plus tard, dans quelques années, 3, 4, 5 ans, j'aurai ma pension. Je pourrai peut-être partir voir d'autres endroits, visiter d'autres villes. Ça, j'aimerais vraiment bien. J'ai besoin de lumière et de soleil, donc je crois que j'irai plutôt vers le sud. Mais avec un bateau comme le mien, on peut déjà aller très très loin. On peut aller sur la mer Noire, on peut aller partout, hein, Bulgarie, on peut aller à Marseille en 3 semaines, on peut aller... Enfin voilà, on a quand même une liberté. Maintenant, je ne sais pas si ma vie se limitera à mon bateau. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, j'aurai d'autres projets. Mais en tout cas, j'aurais vécu quelque chose et jusqu'à présent, je ne regrette pas ce que j'ai vécu. Et le fait de faire vivre mon bateau me donne... en tout cas, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas une minute. J'ai beaucoup de soucis pratiques parce qu'il y a des broyeurs qui se bloquent, il y a des citernes qui ne veulent pas se remplir, il y en a qui ne veulent pas se vider, il y a le chargeur qui ne va plus, il y a le truc et ça. J'ai eu mon moteur l'année passée, mais c'est 22 000 euros. Mais évidemment, c'est des coups durs, ça. Je viens d'avoir pour 15 000 euros sur ma coque. Donc, c'est des gros coups. Alors, à ce moment-là, on est un petit peu découragé. On se dit, on va revendre le bateau parce que c'est fini. Je ne veux plus vivre des trucs comme ça. C'est du stress. Et puis, en même temps, 15 jours après, on a déjà des projets. On va faire ça, on va faire ceci. Parce que c'est chouette. C'est chouette, c'est gai, c'est agréable. Et puis... c'est chaque fois on se renouvelle aussi dans les idées. Il y a plein d'idées que j'avais au départ que je n'ai pas pu concrétiser, et peut-être que je ne concrétiserai jamais parce qu'il y en a de nouvelles qui viennent, hein. Mais en fait ça permet de rencontrer aussi beaucoup de gens. Moi, c'est ça que j'aime, c'est cet aspect là Voilà. Ah ouais, bah ça c'est chouette de vouloir rencontrer de nouvelles personnes. Maintenant, vous avez quelque chose à rajouter spontanément que vous aimeriez dire? Ce que je pourrais dire, c'est parce que quand moi à mes élèves, en tout cas, c'est ce que je disais, parce que eux, ils ont suivi ma transformation pendant 2 ans, les élèves que j'ai eus. Et tous les week-ends, donc tous les lundis, il me demandait, monsieur, vous avez fait quoi sur le bateau pendant le week-end, vu que je travaillais le samedi sur le bateau. Et donc, ils sont venus plusieurs fois voir l'avancement, tout ça. Et je leur disais, en tout cas vers la fin, je leur ai dit, ben voilà, c'est vrai que vous avez vous, certainement un rêve, hein, il y en a un qui veut faire ça, enfin des rêves qui peuvent sembler inaccessibles parce que ben moi j'étais pas avoué, en bord de l'ourte à part des kayaks comme je vous ai dit ou une barque, donc je me disais bien qu'un jour je n'y serais peut-être jamais monté moi sur mon bateau, mais donc il faut jamais se dire que il faut jamais abandonner, enfin c'est pas, je ne sais pas que je l'ai abandonné, mais un jour peut-être on pourra, donc il faut rêver, quoi. Il faut rêver le plus possible. Et on ne sait jamais. Ça vient, on ne s'y attend pas. Et puis, ça peut se concrétiser. Et donc, voilà. Ce que vous rêvez aujourd'hui, je leur dis, peut-être que vous le vivrez peut-être dans 40 ans, dans 30 ans, je ne sais pas. Donc, c'est pas aussi fou que vous ne pouvez penser. Donc, voilà. Ça me fait penser... Après, on arrête, hein, je vous laisse. Ça me fait penser à un autre monde est possible, quoi. Vous voyez les utopies par rapport à un autre monde plus libre, plus, oui, respectueux, plus égal aussi. Oui. Ça me fait penser à ça, ce que vous me dites. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je suis donc de ma formation d'enseignant et enfin, c'est pas de la formation, c'est plutôt de mon métier. Dans une classe, on doit construire ensemble et avoir accès à tout. On a tous le droit d'apprendre et de tirer tous vers l'eau et d'avoir des envies. On a tous le droit de pouvoir espérer quelque chose et d'être reconnu dans ce qu'on a de bien, parce qu'on a tous, dans une classe en tout cas, moi j'ai des mômes qui sont défavorisés par rapport à d'autres, parce que culturellement, on ne les emmène pas à la bibliothèque, on ne va pas voir de temps en temps une pièce, on ne les emmène pas dans un festival intéressant. Mais ils ont aussi des valeurs, des choses, des richesses, et on les partage. Et le fait que les uns et les autres puissent être curieux des richesses des autres, je trouve que le fait de brasser et d'avoir ce mélange culturel dans ma classe, souvent je dis, ben voilà, je suis un privilégié dans mon cas, et dans ma classe aussi des fois je suis un privilégié, mais je crois que on doit aller vers... En fait, c'est parce que je le veux aussi. On doit s'ouvrir aussi. Si on ne s'ouvre pas, si on reste avec la catégorie de gens dans lesquels on a vécu certaines histoires ou on a été éduqué, ou on restera cloîtré, on sera toujours pauvre intellectuellement, culturellement, très très pauvre. Dans les deux cas, que ce soit la jet set, c'est malheureux pour eux, c'est triste de les voir. Ils sont peut-être entre guillemets heureux quand on le... mais il leur manque quelque chose et de part et d'autre. Donc je crois que il faut brasser et le plus possible des gens différents, et comme les bateaux, on doit être tous différents et on doit pratiquer des prix différents. Il faut que des bateaux soient abordables avec à 15€, 20€ la cabine et d'autres à 180€ la cabine, parce qu'il y a des gens qui mettront 180€. Et c'est ça que je ne parviens pas toujours à faire comprendre à mes voisins, parce que moi je suis dans les prix relativement bas. Je dis, c'est bien, vous pratiquez des prix plus hauts, mais vous aurez des clients. Je ne suis pas en train de vous prendre vos clientèles, ne tracassez pas. Et c'est vrai, on doit avoir de tout sur un quai ou dans une société. Voilà. Super, merci. C'est comment votre prénom ? Marc-Yves. Merci, Marc-Yves. Merci aussi à vous.